L'histoire qui va suivre illustre certains principes de base de la renégociation du trauma. Voici donc la guérison de Marius. Marius est un jeune Esquimau d'une vingtaine d'années, petit, intelligent, musclé, timide et à l'allure juvénile. Il est né et a grandi dans un village isolé du Groenland et vit maintenant à Copenhague, au Danemark, où il étudie la psychologie. Quand je lui ai demandé si je pouvais mentionner son histoire dans mon livre et s'il voulait que je change son nom, il a dit « Non, oh non, s'il vous plaît, mettez mon nom de famille, comme ça si des gens de mon village lisent le livre, ils sauront que c'est moi. » Voici donc l'histoire de Marius Christiansen, si j'ai bien prononcé son nom. En tant que participant à un programme à Copenhague, Marius a parlé de sa tendance à ressentir de l'anxiété et de la panique, ainsi que des douleurs dans le dos et les jambes. Alors que nous parlions, je pouvais voir qu'il s'activait. Je lui ai demandé s'il ressentait la même anxiété maintenant. « Oui, je ressens certaines émotions similaires en votre présence. » Ok, commençons de cette façon. Je vais vous demander de concentrer votre attention à l'intérieur de votre corps et de voir si vous pouvez trouver où ce sentiment d'anxiété est situé. Quand il l'a ressenti, quand il s'est arrêté pour analyser cela un moment avec l'épée de Chrysaor, il l'a décrit comme une faiblesse dans les jambes et une douleur lancinante dans la jambe droite. Alors qu'il continuait à se concentrer, il a ressenti des petites vagues de nausées et j'ai remarqué que son visage était rouge et chaud. Il a reconnu lui aussi cette sensation de chaleur et de transpiration. Il m'a regardé et il m'a dit « Je pense que ça a un rapport avec ce qui m'est arrivé il y a longtemps, quand j'avais environ 8 ans. » Il se promenait tout seul dans les montagnes et après avoir parcouru environ 500 mètres de dénivelé, il a été attaqué par 3 chiens sauvages qui l'ont gravement mordu à la jambe droite. Il se souvient avoir ressenti la morsure et s'être réveillé dans les bras d'un voisin. Il a le souvenir de sa jambe qui saigne et de son père qui vient ouvrir la porte en étant en colère contre lui. En parlant, il avoue à quel point il se sent mal, en colère et blessé par le rejet de son père. L'autre chose dont il se souvient, c'est qu'il avait un nouveau pantalon que sa mère lui avait confectionné et que ce nouveau pantalon était déchiré et couvert de sang. Il est visiblement bouleversé quand il en parle. Il se contracte et tremble un peu. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus sur ce pantalon. C'était une surprise de sa mère. Elle lui avait donné ce matin-là. Il était fait de fourrure d'ours polaire, spécialement pour lui et pour cette randonnée. Alors qu'il parle de cela, son expérience passe radicalement de la douleur et de l'inconfort au plaisir et à la fierté. Et on voit sa poitrine se soulever quand il parle du pantalon. Durant cette excitation, Marius tient ses bras devant lui, comme s'il sentait la fourrure douce et qu'il se prélassait dans la chaleur de son nouveau pantalon. C'était peut-être un point d'entrée où nous pouvions en quelque sorte nous faufiler pour rejoindre Méduse sans la regarder dans les yeux et sans confronter le trauma directement. Les hommes du village, les chasseurs, portent le même genre de pantalon, me dit-il. Il est de plus en plus excité et le décrit avec des détails clairs et précis. Il imagine qu'il touche le pantalon. « Maintenant, Marius, pouvez-vous sentir vos jambes dans le pantalon ?»« Oui. » « Je peux sentir mes jambes. Elles sont très fortes, comme celles des hommes quand ils partent à la chasse. » Donc, quelque chose vient de se passer. Marius a contourné le trauma pour s'y confronter. L'image des chasseurs est apparue. Ces images, ces ressources, surgissent chez toutes les personnes traumatisées avec lesquelles j'ai travaillé. Elles font partie de notre biologie. Jung les appelle des archétypes. Elles sont là pour nous aider. Dans le cas de Marius, l'image et la sensation du pantalon et l'association du pantalon avec les guerriers ont atteint un archétype de sa biologie, et pas seulement parce que c'est un indigène. Cela arrive à toutes les personnes souffrant de traumas avec lesquelles j'ai travaillé. Ces ressources, ces capacités, le reflet dans le bouclier de Persée, l'épée de Chrysaor, elles surgissent. Elles viennent de notre biologie. Alors qu'il continue d'expérimenter ses sensations corporelles, je lui suggère simplement de ressentir les sensations et de laisser son esprit s'évader. Et alors qu'il s'évade, les images et les sensations corporelles se développent et il a l'image d'une étendue de roche. Je lui demande à nouveau de ressentir son pantalon et de regarder les roches. Mes jambes ont envie de sauter. Elles sont légères, pas tendues comme d'habitude. Elles ressemblent plus à des ressorts légers et forts. Il dit ensuite avoir vu l'image d'un long bâton qui se trouve près des roches et s'imagine le ramasser. Qu'est-ce que c'est ? Une lance, dit-il. Il continue. Je poursuis un grand ours polaire. Je suis avec les hommes du village et c'est moi qui vais le tuer. Et je vois de très petits mouvements dans les muscles de sa cuisse et de son tronc alors qu'il s'imagine sautant de rocher en rocher et suivant la piste de l'ours. Je le vois maintenant. Je m'arrête et je prépare ma lance. Oui ? Ressentez ça dans votre corps. Sentez vos pieds sur les rochers, la force dans vos jambes et la courbure de votre dos et de vos bras. Ressentez toute cette puissance. Ce qui se passe ici, c'est que la pièce de théâtre qu'il joue dans son imagination aide à stimuler les comportements instinctifs agressifs qui ont été contrecarrés quand il s'est fait attaquer par les chiens. Et donc, nous voyons la sagesse de son corps qui mobilise activement ses muscles qui étaient, je le soupçonne, figés au moment de l'attaque. Son corps s'immobilise à l'instant. Je le vois maintenant. Je m'arrête et je prépare ma lance. Oui, ressentez cela dans tout votre corps. Sentez vos pieds sur les rochers, la force dans vos jambes et la courbure de votre dos et de vos bras. Ressentez toute cette puissance. Vous souvenez-vous de l'exercice que nous avons fait où vous avez imaginé être un animal prédateur ? Eh bien, dans un sens, c'est ce que Marius fait. Ces images aident à amorcer les réponses agressives qui deviendront éventuellement des ressources très importantes pour neutraliser l'immobilité, le blocage, l'effondrement qui se sont produits au moment de l'attaque. Je vois la lance voler. Et encore une fois, je peux voir de légers ajustements dans sa posture. Il se met également à trembler à présent. Mais c'est un tremblement beaucoup plus modéré. C'est léger, et c'est dans ses jambes et ses bras. Je l'encourage, comme je vous ai encouragé, à simplement ressentir les sensations, à les autoriser à être là. Il mentionne ensuite des vagues d'excitation et de plaisir. Je l'ai fait ! Je l'ai touché avec ma lance ! Que font les hommes ? Ils lui ouvrent le ventre, ils lui enlèvent les entrailles et coupent sa fourrure pour faire des pantalons et des manteaux comme ceux que je porte. Puis, ils transportent la viande jusqu'au village. Ça nourrira beaucoup de gens. Viens, Marius, commencez à l'intérieur. Ressens ton pantalon, sens-le avec tes mains. J'aide Marius à construire des ressources pour que ses jambes sentent qu'elles peuvent s'évader. Alors que Marius continue à ressentir cette sensation, ses yeux sont brillants de larmes. Peux-tu faire ça ? Je ne sais pas, j'ai peur. Je me sens un peu paralysé. Sens tes jambes, sens ton pantalon. Il crie fort dans un dialecte esquimau sur un ton de plus en plus puissant. Ce n'est pas vraiment un cri, c'est juste un son puissant, éblouissant. Oui, je lui ai ouvert le ventre. Il y a beaucoup de sang, je sors les entrailles. Maintenant, je coupe la peau, je l'arrache. Ça brille, ça scintille, c'est une belle fourrure. Épaisse et douce, elle sera très chaude. De nouveau, le corps de Marius est secoué par des tremblements d'excitation, de force et de conquête. Je précise qu'il n'a jamais tué d'ours polaire, mais son identification avec les hommes a stimulé son inconscient pour faire surgir cette image, pour qu'elle soit accessible quand il verra les chiens sauvages qu'il l'avait précédemment attaqué. Vous voyez qu'il construit maintenant des ressources pour être le prédateur, pour attaquer, pour tuer plutôt que d'être lui-même tué. Le but de cet enseignement n'est pas de devenir un tueur, mais d'exploiter nos instincts. Certains de ces instincts sont des instincts de tueur, parce que nous devons tuer pour nous défendre et pour manger. Ces instincts sont toujours là, même si nous achetons tous nos produits au supermarché. Donc, l'idée de l'inconscient biologique de Marius est d'exploiter la réponse de combat et l'énergie qui se trouve dans cette réponse. Vous pouvez le voir, c'est ce qui va l'aider à sortir de l'immobilité pour qu'il ne reste pas coincé dans le cycle d'immobilité causé par la peur. Comment vous sentez-vous, Marius ? J'ai un peu peur. Je ne sais pas si j'avais déjà ressenti autant de sensations fortes. Je pense que c'est bon, vraiment. Je me sens très puissant et plein d'énergie. Je pense que je peux avoir confiance en ça. Je ne sais pas, c'est fort. Sentez vos jambes à nouveau, dis-je à Marius. Sentez vos pieds. Touchez le pantalon avec vos mains. Nous attendons un moment. Puis il dit « Oui, je me sens plus calme maintenant. Je ne me sens pas aussi stressé. C'est plus comme une force, une vibration plus douce. » Marius est donc passé par ce cycle d'activation-désactivation. Il a ressenti le flux d'énergie et il a ressenti la décharge de cette énergie pour se relaxer et rétablir l'équilibre. En touchant le pantalon, il a ramené ses ressources qu'il a expérimentées un peu plus tôt. Le pantalon est devenu un symbole de pouvoir. Il lui rappelle instinctivement sa force. À présent, je lui propose d'imaginer qu'il marche vers le village, là où il a été attaqué par les chiens. Et en faisant cela, j'oriente le jeune homme et ses nouvelles ressources vers ce moment traumatisant. Quelques minutes passent, puis le tronc de Marius se contracte et il reste immobile. Son rythme cardiaque s'accélère et son visage rougit. Sa voix est beaucoup plus tendue. Je vois les chiens. Ils viennent vers moi. Sentez vos jambes, Marius. Touchez le pantalon. Sentez vos jambes et regardez. Je le reconnecte à nouveau à son pouvoir. Alors qu'il fait cela, sa tête se met à bouger lentement et spontanément vers la droite. Je vois les chiens. Ils viennent vers moi, ils viennent de ce côté. Il pointe la droite. Sentez vos jambes, Marius, touchez le pantalon. Sentez vos jambes et regardez. Maintenant, je me retourne, je vois les chiens. Je vois un poteau électrique. Je me tourne vers lui. Je ne me souvenais pas de ça. Marius pâlit. Je m'affaiblis. Encore une fois, je commande. Sentez le pantalon, Marius. Sentez le pantalon avec vos mains. Il reprend des couleurs. Je cours. Je sens mes jambes. Elles sont fortes comme sur les rochers. Encore une fois, il pâlit. Et il crie. Ah, mes jambes, elles brûlent. Je ne peux pas bouger. J'essaie, mais je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. Je ne peux pas bouger. C'est engourdi. Ma jambe est engourdie. Je ne la sens plus. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le chien l'a mordu. Et il est entré dans l'immobilité et la dissociation. Nous avons parlé de cela avant. Je dis à Marius, c'est ok. Ressentez ça. C'est normal de sentir que vous ne pouvez pas bouger. Ressentez ça un moment. Et maintenant, Marius s'est tourné. Tournez-vous vers le chien. Regardez-le. C'est le moment critique. Je remarque un rouleau de serviette en papier à moitié utilisé. Et je l'étends à Marius. Il attrape le rouleau et l'étrangle alors que les autres membres du groupe et moi-même regardons avec stupéfaction sa force pendant qu'il le serre et le déchire en deux. Maintenant, l'autre chien, regardez-le bien. Regardez-le dans les yeux. Il laisse échapper des cris de rage et de triomphe. Je lui demande de se calmer avec ses sensations corporelles pendant quelques minutes pour qu'il puisse appréhender cette intensité. Mais je lui demande à nouveau de regarder. Que voyez-vous ? Je les vois. Ils sont en sang et morts. Ils sont en sang et morts comme l'ours polaire que j'ai tué avec les hommes. Évidemment, il n'a pas tué les chiens dans la situation originale. Il a été attaqué, il a été mordu, il était sans défense. Mais quelque chose dans son inconscient profond Son inconscient instinctif a fait apparaître cette nouvelle image où il avait triomphé. Vous pouvez voir que cette image est liée à ce qui s'est passé quand il s'est imaginé à la poursuite de l'ours, qu'il l'a éviscéré et qu'il a vu son sang. Vous voyez comment les images se rejoignent. Sa tête et ses yeux se mettent, à nouveau, à tourner lentement vers la gauche. Que voyez-vous ? Je vois le poteau. Il y a des boulons. Ok. Sentez vos jambes. Sentez votre pantalon. Je veux lui demander s'il a envie de courir, parce que ce serait dans l'autre partie de la réponse. En d'autres termes, il a maintenant la réponse de combat, la réponse agressive du prédateur. Mais il y a aussi la réponse de fuite parce qu'il aurait voulu essayer de s'échapper juste avant d'être figé. Mais avant de pouvoir le lui demander, il s'exclame « Je cours ! Je sens mes jambes, elles sont fortes comme des ressorts !» Comme quand il courait sur les rochers. Des ondulations rythmiques sont à présent visibles dans tout son corps. Son corps entier tremble et vibre. Je grimpe, je les vois en bas, ils sont morts et je suis là-haut, je suis en sécurité. Ils se mettent à sangloter doucement et nous attendons quelques minutes. Encore une fois, il ne s'est jamais échappé. Dans la situation d'origine, il n'a jamais grimpé sur ce poteau. Ce poteau est apparu comme une partie du processus de guérison. Ses jambes pouvaient courir, s'échapper et grimper. Tout comme vous vous êtes échappé du babouin en grimpant la colline pour retourner au campement dans l'exercice précédent. Ces images, ces sentiments, ces schémas de réponse font partie de sa biologie. Ils font partie des réponses que son corps et son esprit voulaient employer pour essayer de le sauver quand il était attaqué. Mais à ce moment-là, il ne pouvait pas. Il était figé. Et ils sont maintenant en train de se réinstaller d'eux-mêmes, pour ainsi dire. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'esprit logique. Ce n'est pas psychologique. Comme vous le voyez, c'est vraiment biologique. Ces images viennent de son inconscient profond. Je demande donc à Marius ce qu'il ressent. Et il répond « C'est drôle. J'ai l'impression d'être porté par de grands bras. Un homme me tient dans ses bras. Ses mains recouvrent les miennes. Je me sens en sécurité. » Marius rapporte une série d'images de clôtures et de maisons dans le village et continue de sangloter doucement. Il frappe chez mes parents. La porte s'ouvre. Mon père, il est très contrarié. Il court chercher une serviette. Ma jambe saigne beaucoup, mon pantalon est déchiré. Et il est très contrarié. Il n'est pas en colère contre moi, je le vois. Il est très inquiet. Ça fait mal. Le savon fait mal. Marius sanglote maintenant par flots doux et longs. Ça fait mal, mais je pleure parce qu'il n'est pas en colère contre moi. Je peux voir qu'il était bouleversé et effrayé. Je sens une vibration et des picotements partout. C'est régulier, c'est doux, c'est chaud. Je sais qu'il m'aime, mon père m'aime. Marius tremble encore doucement. Son corps est trempé d'une sueur humide et chaude. Et je lui demande « Que ressentez-vous dans votre corps maintenant que votre père vous aime ?» Et il y a un silence. Il me regarde et me fait un clin d'œil. Je me sens chaud, très chaud et paisible. Je ne veux plus pleurer. Je vais bien. Il avait juste peur. Il n'était pas en colère en fin de compte. Cela soulève un point très important qui se produit en cas de trauma. Quand on est coincé dans le trauma, dans la réponse d'immobilité, tout le reste, toutes nos perceptions et sentiments sont aussi bloqués. Son père était bouleversé, bien sûr. Son enfant est amené blessé. Il perçoit cette contrariété comme une colère du père contre lui. Une chose à propos des traumas, c'est que lorsqu'une personne est traumatisée, elle a tendance à se blâmer elle-même. Elle pense que ceux autour d'elle la blâment de la même manière. Il a cru que son père était en colère et le rejetait. Mais quand il a surmonté le trauma, quand la réponse d'immobilité s'est terminée, quand il est passé du blocage à l'action, à l'ouverture et au doux sanglot, il a compris que son père l'aimait. Toute sa perception a changé. Ce n'est pas quelque chose que je lui ai dit, ou que j'aurais pu lui dire. Si j'avais dit « Marius, tu sais, je ne pense pas que ton père puisse vraiment avoir été en colère contre toi. Il était peut-être contrarié. » Si j'avais dit ça au début, il aurait pu dire « Je suppose que c'est possible. » Mais ça n'aurait pas vraiment changé sa perception parce que, encore une fois, ce n'est pas psychologique. Cela fait partie de l'effet omniprésent de la réaction d'immobilité sur nos perceptions. L'histoire de Marius est importante parce que je l'utilise pour illustrer beaucoup de points différents dans cette série de sessions. Et donc, je vous demande d'être vraiment attentif, de prendre votre temps et de revoir les parties de l'histoire qui ne sont peut-être pas claires. J'imagine que le simple fait d'entendre l'histoire va faire surgir des émotions. Je veux donc prendre quelques instants pour laisser ces sensations et ces émotions s'installer en vous. Et également, je me demande quel type de sensations et d'émotions vous avez pu éprouver lorsque vous avez ressenti à la fois l'impuissance et le pouvoir, et comment les deux forces semblaient aller et venir. Remarquez maintenant dans votre corps quelles parties ressentent le plus de force et quelles sont les plus ressourcées, où vous sentez le plus d'énergie de vie. Remarquez aussi les parties de votre corps où vous sentez plus de tension, de contraction, d'anxiété, d'impuissance, de faiblesse. Et remarquez ce qui se passe lorsque vous déplacez votre attention entre ces deux parties de votre corps. Remarquez ce qui se passe quand vous prenez un moment pour le faire. Est-ce que ce qui s'est passé avec Marius n'était qu'un fantasme ou était-ce autre chose? Vous pourriez dire qu'il lui est arrivé quelque chose de si bouleversant qu'il a inventé un fantasme pour éviter de ressentir ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Marius a vécu une nouvelle expérience, et cette expérience était au moins aussi réelle, voire plus réelle, que l'événement qui s'est réellement produit. Vous voyez donc qu'il y avait des éléments, des images, des sentiments, des sensations liées au trauma, mais il y avait aussi de nouveaux éléments qui se combinaient de différentes manières qui l'ont aidé à guérir du trauma. Si j'avais demandé à Marius après la séance ce qui s'était réellement passé, je pense qu'il aurait répondu « Je ne sais pas vraiment. Je sais simplement que tout cela fait partie de mon expérience. Cela fait partie de moi. C'est quelque chose qui s'est produit et que je peux déplacer dans le passé. » Quand un trauma est vraiment guéri, il revient en quelque sorte à la surface. Il s'estompe. Oui, nous savons que c'est arrivé, mais nous ne sommes pas préoccupés par les détails. Dans le sens où les réactions de son corps étaient si fortes, puissantes et positives que c'est devenu réel. C'est amusant, c'est une chose qui m'a toujours laissé perplexe. Mais maintenant, j'accepte qu'on ne puisse jamais vraiment savoir ce qui s'est passé, peu importe la situation traumatique. Parce que c'est un mélange d'images et de sentiments coordonnés avec cet ensemble de sensations et d'images de guérison qui servent à équilibrer. Ce n'est pas comme une imagination active parce que je ne lui ai pas donné de situation à imaginer. Ces imaginations sont sorties du corps et c'est l'essentiel de regrouper les images et les sensations corporelles. Souvent, quand les gens sont traumatisés, ils essaient de se souvenir de ce qui leur est arrivé. Et ça devient presque une obsession pour retrouver chaque détail. Mais ici, vous voyez quelque chose de très différent. Vous voyez le processus de guérison en action. Ce processus qui permet d'évoluer entre les émotions liées au trauma et ces contre-émotions qui sont fournies par l'inconscient corporel, par notre homéostasie instinctive. Cet équilibre qui va dans les deux sens est ce que j'appelle la renégociation. C'est un point très important à apprendre parce que c'est ce qui nous empêche soit de réactiver le trauma, d'être attiré et aspiré dans son trou noir encore et encore, soit de nous réfugier dans le fantasme et de ne pas faire face au trauma. C'est la troisième option. C'est une manière pour l'individu de transformer le trauma, en ne s'en souvenant pas, en ne l'oubliant ou en ne le niant pas, mais en étant dans cette nouvelle relation avec les polarités grâce à l'expérience corporelle. Donc, la renégociation est un peu comme serrer le poing et permettre au poing de s'ouvrir, le serrer, et le laisser s'ouvrir. Et puis, sentir ce rythme entre la partie fermée et la partie ouverte. Revenons à l'histoire de Marius. Au début, la seule image ou souvenir, si vous voulez l'appeler comme ça, que Marius a eu était le pantalon ensanglanté, la chair déchirée et le rejet de son père. C'est ce qui a en quelque sorte consolidé le trauma. Mais il y avait aussi le commencement, la graine d'un noyau positif. C'était ses sentiments pour le pantalon et le lien entre le pantalon et la force des chasseurs. Donc, dès le début, nous pouvions voir ces deux polarités, le poing fermé, les jambes ensanglantées et le rejet du père, et la main qui s'ouvre, les sentiments, le pouvoir de la fourrure, ses sensations et le pouvoir de ses jambes. Le pantalon est alors devenu un élément qui a permis la renégociation réussie de l'événement tout au long de la reconstitution. Chaque fois qu'il se crispe, chaque fois qu'il se fige, le pantalon et la puissance de ses jambes lui permettent de se rouvrir. Il continue avec ce rythme, d'avant en arrière, en fermant, en ouvrant, en fermant, en ouvrant, en fermant, en ouvrant. L'image du pantalon déchiré et ensanglanté a excité Marius de manière négative. Vous avez remarqué qu'au fur et à mesure que nous avancions, l'excitation augmentait. Une renégociation réussie d'un trauma se produit lorsque les ressources de la personne, ses ressources adaptatives, augmentent en parallèle de son excitation. Finalement, Marius arrive à la même excitation que l'excitation d'origine. Elle l'a, pour ainsi dire, poussé dans la réponse d'immobilité. Mais en même temps, ses autres émotions et sensations d'équilibre se développaient. Quand il est arrivé à la réponse d'immobilité, il était capable de la traverser sans avoir peur. En d'autres termes, il s'est séparé de la réponse d'immobilité liée à la peur, et c'est ce que le processus de renégociation nous permet de faire. C'était un événement très dramatique. Dans cette seule session, Marius a vraiment travaillé sur ce trauma. Beaucoup d'entre nous ont des traumas qui se répètent, et même si cela s'est passé en une seule séance avec Marius, il faut noter que ce processus se fait avec le temps et par petits pas. Une partie de ce processus se déroulera dans le rêve de la personne et se produira pendant la journée avec des changements inattendus de sensations et d'émotions. Et ce que nous voulons, c'est développer une façon d'en être conscient tout au long de la journée pour que le processus de renégociation fonctionne en pilote automatique. Donc, même lorsque nous n'essayons pas de faire quoi que ce soit, chaque fois que nous essayons, ça ne va probablement pas se produire de toute façon, nous apprenons à ne pas interférer parce que c'est inné. Ce n'est pas quelque chose que nous devons faire, c'est simplement quelque chose que nous permettons de faire. D'une certaine manière, c'est comme lorsque vous vous coupez. Il n'y a rien que vous puissiez faire à part nettoyer ou, si vous avez cassé un os, vous le soutenez. Ensuite, la guérison prend le relais. Car la guérison est un processus naturel qui se produit tout seul. Et la renégociation est justement ce processus qui nous aide à guérir et à transformer le trauma. La renégociation et la transformation sont une expérience innée du cerveau. En d'autres termes, la guérison implique toutes les parties de notre cerveau, le cerveau gauche et le cerveau droit, mais surtout le cerveau pensant, le cerveau émotionnel et le cerveau instinctif. C'est la façon dont l'intellect, l'émotion et l'instinct fonctionnent ensemble, et c'est très rare de voir une personne qui les a vraiment équilibrés. Mais dans la renégociation, nous faisons un pas vers cette possibilité d'évolution. En ce qui concerne notre instinct, quand nous l'écoutons, nous avons ce sentiment de connexion. Nous savons que nous sommes à notre place. Ce sentiment, même s'il est profondément instinctif, et non pas ce qu'on appelle une fonction cérébrale supérieure, c'est ce qui nous amène à notre spiritualité naturelle. Souvent, nos instincts, émotions et pensées sont séparés les uns des autres. Et en renégociant une expérience traumatique, ce processus les rassemble et les connecte. Le cerveau rationnel pense, théorise, croit et fait des distinctions. Le cerveau émotionnel ressent et donne une certaine intensité, une coloration à notre expérience. Le cerveau instinctif sent, connaît et relis. La véritable transformation consiste à réunir toutes ces fonctions, à connecter l'intellect, les émotions et les instincts pour qu'ils travaillent ensemble. C'est la transformation du trauma, et c'est aussi notre possibilité d'évolution. Dans l'expérience transformatrice, le cerveau rationnel observe sans jugement. Rappelez-vous, habituellement, quand notre cerveau rationnel observe, c'est avec un jugement. Mais ici, c'est avec l'épée de Chrysaor. Il ne fait qu'observer ce qui se passe avec clarté, avec vérité. Ça donne aussi un sens à ce qui se passe, mais cela ne crée pas ce qui se passe. Ce n'est qu'avec la coopération de nos cerveaux émotionnels et instinctifs que nous obtenons la pleine signification de l'expérience. Donc, dans la guérison du trauma, nous réunissons tous ces éléments. Et en les réunissant, nous arrivons à la plénitude, car la plénitude est l'intégration de ces trois fonctions. Permettez-moi donc de vous laisser avec cette pensée. René Descartes a dit « Je pense, donc je suis ». Autrement dit, c'est tout. La pensée était la seule chose importante. Par opposition, David Herbert Lawrence a dit « Je crois que le sang et la chair sont plus sages que l'intellect. Le corps inconscient est l'endroit où la vie surgit en nous. C'est ainsi que nous savons que nous sommes vivants, vivants jusqu'au plus profond de notre âme et en contact d'une certaine manière avec les étendues lointaines du cosmos. » C'est grâce à l'expérience corporelle, la connexion avec notre, pas littéralement, sang et notre chair, et les émotions de notre corps, qui ont une plus grande sagesse que l'intellect à lui tout seul. Nous avons besoin de l'intellect, et c'est dans le corps que la vie surgit. C'est donc dans le corps que nous ressentons à la fois les instincts les plus primitifs et les connexions les plus profondes de la spiritualité. À la prochaine session, nous verrons ensemble les choses que nous pouvons faire pour continuer notre propre processus de transformation.